Après ces panneaux, je vais pouvoir rouler à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D.